croire. Et Dieu sort. En fait, l'histoire des dinosaures, c'est quand il y avait une géante météorite qui est venue sur la Terre. Il y a eu des volcans et tout. Et tous les dinosaures sont morts. Mais les petits sont morts. Oui. Non, les petits sont pas morts. Si. Et en fait, leurs os étaient transformés en pierre. Après 100 000 ans, les hommes préhistoriques, ils faisaient de la peau, ils faisaient plein de peau, eux, parce qu'ils aimaient beaucoup se couvrir pour l'hiver. Ils étaient pauvres et ils ne pouvaient pas manger, donc ils chassaient des biches et tout, des rhinocéros. C'est mon histoire est terminée.